Clément. Tonaille. Oh, Jack. J'ai eu l'impression d'être à peu près du bord. Oui. Comment il va? Pas de cogner. Eh ben, ça va pas mal, et toi? T'as pas l'air fatigué? Oh, tu m'aurais dit l'inverse, je me serais inquiété. Ah. C'est parce que t'es en vacances. Il est un peu haut, ce micro. Non, j'ai fini de le dire, j'en ai marre, je veux pas être trop puissant pour ceux qui y sont pas, déjà. Et puis c'est quasiment fini. Et puis c'est quasiment fini, j'ai bientôt avoir une semaine de travail. Une seule? Oui. je peux quand même te rappeler. Tu te rappelles plus de mon planning? Si, ça j'aime bien. Là t'as qu'une et après t'es re en vacances. 3 semaines. Oh là là. Ok, donc on se retrouve pour faire une nouvelle petite session de capsule. Ouais. Donc on rappelle très rapidement, c'est quoi les capsules? Tiens, pour une fois, capsules, bah en fait, voilà, ce sont pour parler des groupes qui sont déjà venus au Hellfest, donc qui ont déjà été chroniqués pour la plupart, et donc du coup aussi par là même, donc tu vas pouvoir en reparler un petit peu en détail, et moi je vais pouvoir dire ce que j'en ai pensé de ce petit groupe et éventuellement si j'irai le voir ou pas. Alors excuse-moi, j'ai eu une espèce d'absence. Ah oui, excuse-moi. Tu t'as dit qu'on parlait des groupes qui sont déjà venus, contrairement à dans l'émission on parlait des groupes qui sont jamais venus. Qui viennent, c'est ça, ceux groupes qui sont déjà venus. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah d'accord, je sais pas. Qui sont déjà venus, il me semble. C'est ce que là, les capsules, c'est les groupes qui sont déjà venus. Oui, c'est qu'on ça. Ne va pas traiter dans l'émission normale. Et dans l'émission normale, on ne parle que des groupes qui viennent pour la première fois. D'accord, il me semblait que c'est ce que j'avais dit. Non, mais je te dis, j'ai décroché, donc j'ai sûrement dit, mais j'étais. Okay. T'as eu une absence. J'ai vu en plus. Oui, mais parce que regarde, il y a un truc qui était marqué là, donc j'ai voulu aller lire ce que c'était. Et comme j'ai lu, je me suis décroché. Tu t'es perdu. Je me suis dans un petit peu perdu de moi-même. De l'enregistrement. Donc là, je te propose de commencer par un groupe qui est extrêmement populaire. Oui, il me semble. Un groupe qui est même cette année tête d'affiche, on peut dire. Ah ouais. D'une main stage. Oui. Oui. Donc, m'étonne pas non plus. En plus, je te dis ça sans avoir revérifié mes sources, mais je ne fais que tout de mémoire. Donc, ça va être un groupe qui est plutôt assez connu. Est-ce que toi, déjà, tu le connaissais? Alors, de nom un peu. Alors, il y a quelques titres qui me sont revenus. Ouais. Je suis sûrement tombé dessus. Ils ne m'étaient pas complètement étrangers. Mais dans sa grande discographie, on peut dire que j'en connaissais pas les trois quarts. D'accord. Eh ben, écoute. Je pense qu'avant de commencer ça, normalement, on a un petit rituel, c'est un petit truc qu'on met en place. Ah oui, j'ai failli oublier, je croyais que t'allais appuyer sur le bitonio. Je me suis dit, non, il va pas me la refaire. Vous attendez tous, ouais. Oh allez, c'est juste pour vous faire plaisir. Allez, let's go. Ah d'accord, donc là c'est... Ouais, c'était un petit scratch là, okay. Tranquille. Bon, ceux qui sont, ceux qui ne voient pas l'image, ils vont croire. Ouais. Par contre, ceux qui vont voir l'image, ils vont dire, oh, comment il a bien fait. C'est vrai, moi j'ai vu là et là et là, tu l'as très bien fait. Eh ben, générique. Donc, comme je te disais, on va parler d'un groupe qui est donc tête d'affiche. Ils sont tête d'affiche le jeudi. Donc, on va dire c'est le gros groupe. Le premier gros groupe. Le tout premier. Enfin, oui, le premier, la première grosse tête d'affiche. Okay. Qui est un groupe qui est donc déjà venu au Hellfest. Oh, j'ai pas noté quand. Ça, c'est dommage. Donc, je vais devoir chercher l'info à un moment donné pendant que j'en ai pas très pour long. On n'a pas très pour long. Allez. Donc, ok. Tu fais une musique d'attente. Parfait. T'as travaillé, non? Alors, tu as la réponse. Bien sûr. Ce groupe est donc déjà venu au Hellfest. Ils sont venus en 2009, en 2016 et en 2022. D'accord. Voilà. Donc là, c'est vraiment en plus un groupe qui est extrêmement populaire, comme je disais, et qui n'a fait qu'accroître sa popularité, et en plus qui fait partie, on va dire, de ces groupes qui sont les nouvelles futures grandes têtes d'affiche. C'est-à-dire, ils sont déjà têtes d'affiche, mais ils font partie de la renouvellement de la scène, en fait. D'une scène plus jeune, d'une scène qu'on va dire un peu plus metalcore. D'accord. Donc du coup, maintenant, je pense qu'on a un peu plus ou moins deviné. On a spoilé à mort, je pense. Ouais, voilà, mais je pense que c'est un petit peu le but aussi. Donc, à ton avis, de quel groupe on va parler? Il me semble que ce sera Annie Cordy. Et tout de suite, on va vous parler d'Annie Cordy. Non, mais pas du tout. Ah oui, metalcore, je suis bête, moi. Non, alors attends, j'en teste un autre. Ah, vas-y. J'ai bon cette fois. Ah, j'espère, je croise les doigts. Bring me the horizon. On va effectivement parler de Bring me the reason. Donc Bring Me The Horizon, qui est un groupe, donc comme je disais, plutôt moderne dans son approche stylistique musicale, ouais. Qui s'est formé en 2004, groupe anglais, donc au Royaume-Uni, qui s'est formé de Sheffield dans le Yorkshire. Ok. Ouais. Et en plus, donc souvent ils sont, je sais pas si tu savais, mais souvent ils sont annotés BMTH. BMTH. Ah, Bring Me The Horizon. Ouais. Et je sais pas si en plus si tu sais, mais d'où vient ce nom, Bring Me The Horizon? Vient de loin, tout là-bas, loin dans l'horizon. Et bah tu crois pas si bien dire, c'est exactement ça. Non ? Ils ont vu un truc, ils ont sorti la loupe, il y avait écrit... Mais c'est carrément ça. Non. Alors en fait, parce que le nom du groupe serait basé sur une réplique du film Pirates des Caraïbes, où Jack Sparrow, il dit « Maintenant, apportez-moi cet horizon ». En anglais, « No, bring me that horizon ». Et ils auraient ensuite changé le « that » en « the okay. ».« Bring me the horizon okay. ». Devient voilà. D'accord. C'est pas mal, hein? Ouais. Donc à la base, c'était des musiciens qui venaient un peu de tout, plusieurs groupes qui se sont retrouvés. Et après, ils ont commencé à se mettre tous ensemble. Et seulement plusieurs mois après, j'ai pas les dates tout à fait exactes, qu'ils ont commencé vraiment à enregistrer une démo en indépendante qui s'intitulait Bedroom Session. D'accord. Et après, plus loin, ils ont fait leur première démo EP, This Is What The Edge Of Your Seat Was Made For, publié en 2004, et qui a été comme, un truc qui a servi à faire de l'œil à différents labels. En l'occurrence, il y a un label qui les a signés pour 4 albums et qu'en plus a commencé à rééditer leur EP pour faire un peu connaître le groupe. Ok. Et cette même année, normalement, c'est donc là, on arrive à peu près en janvier 2005, tant que tout se met en place, le groupe est récompensé dans la catégorie de meilleur nouveau groupe à la cérémonie des Kerrang Awards. Donc, il faut savoir que donc c'est un groupe, contrairement à ce qu'on a dit dans pas mal de groupes, qui est quand même assez resté solide. Il y a eu depuis le début du groupe, donc en 2004, il y a eu le bassiste, Matt King qui n'a pas bougé, Matt Nichols qui a la batterie qui n'a pas bougé, Lee Malia là qui n'a pas bougé, qui a la guitare solo, qui est passé à la guitare rythmique depuis 2012, et il y a Oliver Sykes au chant et à la programmation au clavier depuis 2004. Donc en fait, il y a juste le poste de guitariste solo, de guitariste rythmique qui a un peu changé parce qu'il y a eu quand même d'anciens membres. En fait, il y a eu. Ah, il y a un saxophoniste au sein du line-up. T'as dit saxo, non, à un moment donné? Non, j'ai pas dit saxo, j'ai dit clavier, cœur, chant, programmation, non. Non, c'est pour te dire, il y a eu quelques changements, souvent au niveau du guitariste rythmique. D'accord. Tu vois, étonnamment, okay. C'est le guitariste rythmique qui a changé. Mais d'une manière générale, ça reste quand même un groupe qui sont restés solides. Quoi. Okay. Mais si tu veux, le poste de guitariste rythmique, il a été même, ils ont des membres de tournée pour ça maintenant, enfin un membre de tournée, et il y a eu beaucoup de membres de tournée dans le passé, et il y a un mec qui est resté un peu plus longtemps, dont on va sûrement reparler, à savoir Jordan Fish, qui a amené un petit peu sa pierre à l'édifice. Donc le groupe commence un peu, on va dire, sur une forme de deathcore très très violent, très énervé. Et en fait, avec le fil du temps et la sortie des albums, le groupe va faire que de tester un peu des changements musicaux de style, avec à chaque fois des petites variations pour arriver à une espèce aujourd'hui, je dirais, de même un metalcore, mais vraiment encore plus mainstreamable. Il est vraiment on est vraiment sur j'ai même lu des trucs qui étaient presque catégorisés aujourd'hui comme un groupe de métal alternatif tellement ils avaient évolué vers un truc très très écoutable. Quand tu prends vraiment le premier album qui est ultra deathcore, tu vois que le groupe ne fait que rajouter des choses populaires. D'accord. Telles que de la programmation, des sons électroniques, rajouter plein de trucs. Oui. En plus, ils ont des albums un peu de remix, il y a des trucs comme ça. Donc ça va vraiment vers une évolution de cette musique vers quelque chose de très moderne et qui va mélanger un peu les genres, mais qui perd un peu son côté extrême, je trouve, dans cette façon-là. Donc leur premier album, comme je disais, Count Your Blessing, il sort à la fin de 2006 au Royaume-Uni. Donc là, il marche plutôt, il commence déjà bien dans la lignée de l'EP d'avant, donc il marche plutôt bien. Mais c'est un album qui a été, parce qu'ils étaient déjà jeunes, une espèce de, comment dire, ils étaient bourrés tous les soirs, littéralement. Vraiment, l'enregistrement de l'album, il est lié qu'à des beuveries, tout ça. Et okay. en fait, c'était des mecs, des jeunes de 18-20 ans qui étaient en mode, on enregistre un album, on kiffe ce qu'on fait et on est arraché, quoi. Okay, ouais. Parce qu'il y a aussi un autre point qui a été particulier, c'est souvent le groupe a été reconnu pour offrir d'énormes prestations live. Alors au début, un peu d'énormes prestations bourrées live, mais avec une énorme énergie. Et aujourd'hui, bah, ça s'est encore plus... décuplé avec le fait qu'ils font justement des têtes d'affiche et des trucs. En l'occurrence, là, il y a un concert live qui doit sortir le week-end prochain ou la semaine d'après, fin mars en tout cas, qui est un live à Sao Paulo et tu peux déjà voir les 7 premières minutes sur YouTube. C'est vraiment une tête d'affiche, c'est vraiment un groupe de main stage, c'est vraiment un groupe grand. Okay, c'est vraiment énorme. Okay. Donc t'as beaucoup d'explosions, t'as beaucoup de trucs, t'as beaucoup de, voilà, de ce truc comme ça. Mmh. Ça, c'est là où ils en sont arrivés. Aujourd'hui. Quoi. Ouais. Donc ils ont enchaîné plusieurs albums avec à chaque fois une évolution. Toi, ils étaient partis en deathcore dès le troisième album, ils se tournent vers le metalcore. Ensuite, ils annoncent que pour l'album suivant, ils pourraient s'orienter vers des sonorités et influences plus pop rock. Tu vois, vraiment. Ah ouais, oui. Ouais, okay. Tu vois, ils font que des trucs comme ça. Et puis on arrive par exemple en 2013. En 2013, ils annoncent aussi l'arrivée de Jordan Fish. Qui est une espèce un peu de touche-à-tout dans la musique, qui fait beaucoup de choses, qui est vraiment un mec qui peut programmer des trucs, il est au clavier, il est au percu, il fait plein de trucs. Ah ouais. Et il est responsable de la popularité de pas mal de groupes au sein, en l'occurrence, tu vois, il a été producteur et co-auteur avec Poppy, avec Good Charlotte. Tu vois, il y a pas longtemps, il y a un titre qui est sorti avec Poppy, Emily and Courtney Laplante. Ouais. Et ben, c'est lui qui est marqué comme co-auteur et producteur de okay. ça. Il a aussi produit un peu Baby Metal. Il a produit House of Protection. Un groupe dont on risque de bientôt parler, tu verras, il y a eu un focus il y a pas très longtemps du Hellfest, tu verras, okay. on en reparlera. Okay. Bref, il a aussi été pareil avec Architect, il a vraiment, il a fait beaucoup de trucs comme ça, quoi. Donc c'était un peu le gros, avec Oli Saig, le chanteur qui est vraiment le leader très charismatique de Bring Me the Horizon, les deux ensemble, c'était une paire qui avançait beaucoup. Et en fait, il y a un moment donné, il a décidé un peu de quitter le groupe pour justement se plonger dans tous ces projets-là à lui. Mmh. Et de ce que j'ai pu lire, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Juste, ils se sont séparés parce qu'il voulait aller faire d'autres projets. Et lui, il a accepté ça. Enfin, Oli D'accord. a accepté ça. Okay. On parle beaucoup d'ailleurs de Oli Six comme Oli Sykes, je sais pas comment ça se prononce exactement, je dirais Sykes, comme étant vraiment la tête pensante de Bring Me the Horizon, quoi. Donc, c'est vraiment lui qui gère tout ça. Mmh. Même si, comme je t'ai dit, les membres sont là depuis longtemps. Ouais. Okay. On continue dans le changement après en 2015. Encore un changement de style où là, le groupe abandonne ses sonorités metalcore et hardcore pour s'orienter vers un style plus proche, comme je disais, du metal alternatif, du nu metal, du pop metal, bref. Mmh. Tu vois, ils font que de se tourner vers un truc, je dirais comme ça avec des gros guillemets, plus facile d'écoute. Mais vraiment, voilà. Ah ouais, tu penses ça comme ça? Bah, quand je veux dire mainstream, c'est un peu dans ce sens-là qui est de moins en moins extrême. Je l'entends de cette façon-là, ah, en tout oui, cas. Oui, oui. Tu sais, quand on commence à parler de pop metal, tu vois, c'est un truc un peu. Oui, voilà. Non, là, oui. Je fais des sauts, hein, parce que comme c'est un peu long et que je voudrais pas que les capsules durent trop longtemps non plus, c'est le principe des capsules. Madame, oui. En 2019, ils participent à la bande originale du jeu vidéo Death Stranding. Ils ont fait une chanson pour Death Stranding. D'accord, ça me dit rien, je vois là par contre. Bah, quand même si, Death Stranding. Death Stranding. Kojima. Le mec qui a fait, merde, ça y est, je sais plus. Là là. L'espion dans le Metal Gear Solid. Le mec qui se cache dans des cartons. Death Stranding, t'es un livreur UPS, tu te balades sur la plage avec un bébé dans un... Ouais, je devais pas avoir le temps. Mais Death Stranding, putain! Ouais, je devais pas avoir le temps, c'était... Putain, mais c'est hyper connu, mec, comme jeu! Il y a la suite qui est sortie l'année dernière! Ouais, bah écoute, je suis le seul à pas connaître, c'est ça que t'es en train de dire? Bah ouais, quand même, ouais! Ça me fera Kojima, mal. Kojima, c'est... Kojima, c'est une marque de... appareil photo, une connerie comme ça, non? Mais non, arrête de dire n'importe quoi. Bon, je sais pas. Petit truc amusant qui m'a fait marrer, moi, le 27 décembre de la même année, le groupe sort un EP surprise. Music to listen, to dance, to blaze, to pray, to feed, to sleep, to talk, to grind, to trip, to breathe, to help, to hurt, to scroll, to roll, to love, to hate, to learn, to plot, to play, to be, to feel, to breathe, to sweat, to dream, to hide, to live, to die, to go. Ça, c'est le titre? Ouais. Ok. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est disponible. Ah, c'était ça les trois petits points. Je me disais, je croyais qu'il était pas si long que ça, moi. Peut-être. C'est un album qui est disponible que sur Internet, et en fait, il se démarque parce qu'il y a une quasi absence de guitare, où il y a très peu d'influence rock et un son bien plus électronique et expérimental. Mais c'est un truc qui est aussi pas mal présent dans la carrière du groupe à travers plein de petits trucs, quoi. Ouais, ouais. Après, on arrive là en 2020 où le groupe annonce travailler sur un nouveau projet, une série de 4 albums plus courts, mais à chaque fois dans une espèce de thématique. Par exemple, le premier s'appellera Post-Human Survival Horror. D'accord. Et il n'y a pas très longtemps. Ça dit quelque chose. Bah, et après, il y a eu un post-human. Est-ce que je vais retrouver le nom? Un post-human. Post-human. Next gen. Ça, c'est, ah, il y a post-human, ouais. Next gen. Survival horror et next gen, ouais. Voilà. Voilà. Donc, il y en a qu'un qui est considéré comme un EP et l'autre comme, plus comme un album. Donc, bref. Ah ouais. C'est aussi un groupe très important dans le feat parce qu'ils ont featé avec quasiment la terre entière. Par exemple, en 2022, ils ont featé avec Ed Sheeran lors des Brit Awards. La chanson a tellement plu qu'ils ont, elle a dû sortir en version studio. Mmh. Ils ont sorti, il y a eu, comment ça s'appelle, le chanteur de Glasgow, dont je vous parlais la dernière fois, ouais. Daryl Palumbo, qui est venu. Il y a eu aussi, ils ont fait une chanson avec, ah merde, je l'ai vu tout à l'heure et je l'oubliais, là, le mec qu'on aime pas trop, qui était venu avec, qui était venu au Hellfest aussi, là. Ah oui, Machine Gun Kelly. Ah, ils ont aussi fait une avec Emily de, Émilie Jolie. Non. Evanescence. Et avec Baby Metal. Bref, ils en ont fait plein. C'est pas ça qui les arrête. Donc, t'es sûr. On est. Comment dire. On est vraiment sur un groupe qui est à la fois très populaire, qui plaît à beaucoup de monde, qui a su évoluer avec son temps et son style de musique, et qui est aujourd'hui donc représentant techniquement du metalcore et étant le plus grand groupe actuel de metalcore. D'accord. Et moi, tout ce que j'aurais à dire pour l'instant, moi, sur. En fait, c'est que je t'en parlais vite fait dans la voiture l'autre jour, mais il y a une époque, il y a une des chansons du groupe que je me servais un peu pour montrer. Regardez, ça, c'est un truc ultra violent à ceux qui n'écoutaient pas du métal. Ah, juste, oui. Mais c'était juste un peu ironique parce que je détestais un peu ce groupe. Je le détestais parce que j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Mm-hmm. Et en fait, le fait de préparer cette capsule, d'avoir réécouté, et ben en fait, tout le début de carrière, franchement, le début de carrière de. Allez, les trois premiers albums, au moins, je trouve qu'ils s'écoutent encore bien. Tu vois, jusqu'à There is a world, believe me, I seen it's there in heaven, is a heaven, let's keep it a secret. Les trois premiers, je trouve, je peux encore les écouter, ça va. Même le troisième, là, There is a hell, je trouve que même s'il y a beaucoup de mélange électro et tout, moi, ça passe encore. J'arrive à l'écouter. Mm. Et après, derrière, ils me perdent et j'arrive pas du tout à aller jusqu'au bout mais c'est pas trop pour moi. Et encore, je vous dis ça, c'est récemment. Donc avant, c'était pas du tout ma cam. Mais ça, c'est mon avis à moi. Maintenant, toi, Tonaille, qu'est-ce que tu penses de Bring Me The Horizon? Eh ben, écoute, je te rejoins un petit peu sur le début de carrière en termes d'écoute. Moi, j'ai pas été trop choc barre. Non, je veux dire, j'ai pas été trop rebuté par le style. Après, moi, j'ai commencé par les plus populaires au départ. Donc les derniers plus. Ouais, beaucoup les derniers, les plus connus, machin. Là, franchement, j'aimais pas du tout, je rentrais pas du tout dedans, et je pense que tous les arrangements électro, parce que en fait, y en a plein. C'est ça qui est chiant, c'est que Bring Me the Horizon. Bring Me the Horizon, ouais. T'as plein, enfin, c'est intéressant en vrai. T'as plein de passages qui marchent très bien, mais t'as des intros, t'as des espèces de passages d'arrangements électro qui font merde, ça fout là, ça fait chier. et en fait, c'est trop présent. J'ai eu l'impression que à chaque morceau, j'ai eu du mal à, j'ai switché des morceaux parce que bon bah il y en avait trop de ces petits éléments là qui me perdaient. Voilà, t'es là, t'es bien, t'as des passages qui sont très cool, très énervés, qu'on voit bien du jour et tout, puis t'as ces passages là très électro avec des trucs qui ressemblent à rien. Non mais après c'est comme ça que j'ai ressenti. Il y a pas de jugement. C'est vrai que j'ai un peu survolé un peu au départ. Donc du coup j'ai écouté les premiers, là déjà on a moins tous ces éléments là, c'est beaucoup plus violent, c'est vrai que c'est mieux. Après arriver, alors du coup j'ai survolé parce qu'il y a une grosse discographie, donc j'ai pas écouté tous les albums, et du coup je vais arriver vers le moment où là ça me plaisait plus du tout, et c'est là où tu m'as donné un bon conseil, et j'avais un peu survolé, j'avais pas du tout détecté cet album là. Ah ouais? Non, parce que pour moi il sort on parle du troisième album, celui There is a Hell, Believe Me. c'est pas ça le titre. Non, c'est ça. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Il y avait trois petits points. Encore un long titre. Mais c'est vrai que celui-là, il est vraiment top. Tout l'album, il est pas trop mal. Pourtant, il y a quand même des mélanges, tu vois. En fait, tu te dis, putain, ils ont voulu en glisser quelques-uns. C'était le début, non? Je pense que c'était le début. Si tu regardes bien, il y a quand même une évolution, enfin, logique un peu dans le sens où ils y vont doucement, ils font des virages, ils restent pas acquis sur leur truc. Ils font des tests, ils prennent un peu des morceaux de ce qu'ils ont testé un peu ici et là, ils fusionnent plein de trucs. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que cet album-là, par contre, je l'ai bien apprécié dans sa globalité. Assez cool. Et c'est vrai que il y a quand même il y a des petits éléments qui viennent, mais c'est vite fait en fait. Tu te dis ils commencent à mettre des petits trucs là pour habiller ici et là, comme s'ils avaient vraiment l'envie de dire ça c'est bien, ça marche bien et tout. Bon, pas pour tout le monde, mais voilà. Non, à part cet album là qui pour moi c'est vraiment celui que j'ai le plus kiffé. Ouais. Sur la fin ça revenait vers un truc que j'appréciais pas trop en vrai. OK. Non, trop d'éléments électro. Et pourtant, et le côté méga groupe, le méga grosse tête d'affiche, ça te fait pas rêver? Bah, tu vois, il y a un autre groupe. Après, c'est des histoires de mouvement, tu vois, et ça me faisait pas trop rêver. Non, non, mais il y a d'autres groupes qui avaient une autre popularité, où il y avait un autre mouvement qui m'aurait fait plus rêver de faire partie de ces mouvements-là. Bring Me The Horizon, bon, de pas faire partie du mouvement, je vais survivre, ça va aller. Non, mais je veux dire, en fait, je voulais plus dire dans le côté, est-ce que le fait que ça soit une grosse tête d'affiche pourrait t'attirer à quand même aller les voir? Ou pas du tout, parce que musicalement, ça le fait pas, surtout maintenant, quoi. Bah, si je dois m'arrêter à ce que j'ai entendu, non. D'accord. Non, non, non. Tu vois, après, ouais, je pourrais, il y a quand même des trucs sympas. Je suis sûr que je serais pas en mode, oh là là, c'est plan plan, fait chier. Non, je suis sûr que, mais bon, si je devais m'arrêter à juste l'écoute, ouais. Non, ça m'attirait pas plus que ça. Et c'est quoi l'autre groupe dont t'aurais voulu suivre le mouvement? Ah, on en parlera un autre jour, je te ferai un clin d'œil pour dire c'est celui-là. Ah d'accord, très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre, Tonayer? Parce qu'on ne te verra pas en main stage du coup. Eh ben, pas pour ce groupe-là. D'accord. Bon, malheureusement. Bah tant pis alors. Bah ouais, oh, c'est pas grave. Non, mais après on peut se croiser sur une autre scène. Hein. On peut se croiser sur une autre scène ou ailleurs. Ouais, clin d'œil. Bah écoute, Tonayer, merci beaucoup, c'était très sympa. Comme d'hab. On se retrouve bientôt? Ouais, très bientôt. Au plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao les gens.